masque est déchiré, regarde attardé, l'air con, les mains ensanglantées, yeux gantés, haleine fétide, bien décidé, pieds puants, sentant fort le tarpé, poche remplie de marijuana, mains occupées parce qu'on boira, ta peur de drogue dure et ta peur nocturne, petite bite, mais grosse burne, main serrée sur la laisse de ta tarpé, trogne déformée, troisième doigt levé, la rue, un bon coin pioncé, le maire emmerdé, pur texteur démodé, autostoppeur défroqué, sans mélanger au LSD, ta meuf pénétrée, fille de bourge délaissée, une nouvelle journée de passé, tronche de sauvage, barbe à Al-Qaïda, à bas âge, chaussures de sécurité, et vêtements sales, sexe fatigué sans oublier la grosse dalle, fâché nos petits déjeuners, mouille de bourgeois, c'est comme café, ben ouais c'est nous, rappelle-toi quand on a tapé ton mec poussé à bout, fumeur debout, junkie debout, frigo vide et poumons de weed, ben les troncs comme carte de visite, on s'occupe de ta femme, on la visite. C'est nous les putains de sonneurs qui s'opposent dès toute la journée. C'est nous les vieux salauds qui voulons tout faire péter. C'est nous les putains de sonneurs qui s'opposent dès toute la journée. C'est nous les vieux salauds qui voulons tout faire péter. C'est nous les violents qui pissent dans un violon et puis avec insolence qui faisons du bon sens. C'est nous les charclos qui buvons whisky palide. C'est nous qui foutons le bordel dans vos boîtes de merde. T'entends la musique là-bas dans la forêt. Bah c'est nous qui avons foutu les enceintes juste pour se faire chier. C'est nous les fins grasses en fort état d'ébriété, juste devant le supermarché avec des bêtes en budget. C'est nous les défoncés, comment tu nous reconnais? Avec nos yeux éclatés, puis peut-être smiley. On est toujours en vadrouille, nous on sent pas les couilles. On tape des grosses douilles avec du shit fin et les mots. C'est nous les campagnards, on a du bon pénard. On kiffe les connais pas, fume un gros pétard. La vie c'est mon esclave, j'en fais ce que je veux. Je regarde nous deux, qui c'est qui est le plus heureux. C'est nous les putains de sonneurs qui se posent dès toute la journée. C'est nous les vieux salauds qui voulons tout faire péter. C'est nous les putains de sonneurs qui s'enfoncent dès toute la journée. C'est nous les vieux salauds qui voulons tout faire péter. C'est nous, très beaucoup foncé d'esprit. Va bien éclairer ta maison cabriolet. Ta femme engrossée, ton gosse influencé. Ton exposition cachée, bourrée. Devant le ministère de l'éducation nationale. C'est nous, les fauteurs de foutre anal. C'est nous les parasites, et j'aime ton regard triste. C'est nous les taggeurs, on t'offre des plans carrément pour fleurs. C'est nous les piranhas, les crocodiles dans ton aqua. C'est nous la prise à la Bastille, pour les colonnes sur pas de cotille. C'est nous les morpions qui kidnappent ta fille. C'est nous les graves SNCF, c'est nous devant la CRS. C'est nous les teufeurs, allumés derrière le camion traveur. Et c'est nous aussi, pour lequel casse pissasse de ta humeur. On se ramène en tracteur. C'est nous les putains de sonneurs qui se posent dès toute la journée. C'est nous les vieux salauds qui voulons. Votre correspondant, faites le 4. Pour sauvegarder le message, faites le 2. Pour le supprimer, faites le 3. Pour plus d'informations, faites le 0. Pour revenir au menu précédent, appuyez sur étoile.